Hey gros, hey, donne du respect si tu veux qu'on te respecte gros. Quand tu serres la main, regarde-moi dans les yeux gros. Obligation d'assumer tes paroles gros. C'est ce qui fait la diff entre un lâche et un homme beau. Refuse pas son grec à un frère qui a la dalle gros. Et tu dois aider ton sauce quand ça tape gros. Ne jamais baisser son survêtement pour du cash gros. Au téléphone, ne jamais donner de place gros. Ne pas trahir un pote pour une tasse gros. Être réglo et discret dans les affaires gros. Honneur oblige s'acquitter de ses dettes gros. Faire son bis en dièse 31 dièse gros. Car les murs de la cité ont des oreilles gros. Prends ta famille pour repère, donne à ton fils un modèle. Et ne laisse personne insulter ta mère gros. N'oublie jamais d'où tu viens gros. Ne regrette rien, fais honneur au tien. Respecte les anciens gros. Jamais laisser un pote en galère gros. Envoyer des thunes à tous ses potes en calèche gros. Ne confonds pas famille et business gros. Ne paniquer une amitié pour une histoire de fesses gros. Honnêteté, loyauté, amitié gros. Avant les caisses, les femmes et la prospérité gros. Interdiction de puiser dans l'ascenseur gros. Putain y'a le daron qui passe, c'est chum gros. Se forcer d'être quelqu'un de respectable gros. Se rappeler que la ragla ça paye pas gros. Défense de rire des plaisanteries racistes gros. Ne pas juger les gens, chacun ses cicatrices gros. Défense d'afficher un poteau devant une fille gros. Il ne faut jamais verser de larmes en public gros. Si ta meuf aime trop les boîtes, inquiète-toi gros. Si elle t'a sucé le premier soir, ne t'attache pas gros. Personne ne doit te faire baisser les yeux gros. L'argent c'est bien, le respect c'est mieux gros. Tu peux acheter un gamos mais pas le respect de la rue gros. Les bonhommes respectent le code de la rue gros. Si tu traînes dehors, apprends le code de la rue. Tu veux pas d'embrouille, applique le code de la rue. Tu veux être respecté, respecte le code de la rue. Tous les bonhommes connaissent le code de la rue. Si tu veux faire du bif, apprends le code de la rue. Tu veux semer les flics, applique le code de la rue. Si tu veux être le boss, respecte le code de la rue. Tous les quartiers connaissent le code de la rue. Parce que l'Afrique crève la dalle gros. Petit, t'as pas le droit de te plaindre. T'as les nouvelles Air Max gros. Si t'es un chien, trouve un taf gros. Arrête de faire des bastons, fais du cash gros. C'est pas le quartier qui remplira le frigo chez toi gros. Tu peux compter sur personne à part toi gros. Et sache que les bonhommes se parlent en face gros. Alors MC, va te faire niquer, toi et tes clashs gros. Chaque mois donner des thunes aux darons. Et friter discrètement, y'a peut-être la daronne au balcon. Affronter la réalité. Ne pas se contenter de toucher le RMI comme un assisté. Faire quelque chose de sa vie gros. Tirer un trait sur la violence gratuite gros. Dire bonjour, au revoir et merci. Mais ne jamais, jamais, jamais serrer la pince à un flic gros. Restez fort au placard gros. Demande pas à ta mère d'amener ton shit au parloir gros. Vois plus loin que les murs de la tête. Envoie pas le tarot à la mec avec les thunes de la cesse. Et quand tu purges ta peine, tu jures que t'arrêtes. Mais la rue c'est la guerre. Et les thunes te rappellent encore plus que jamais. Donc les stupes te ramènent. Cette vie c'est la tienne, c'est aussi la mienne gros. Plus dur est le travail, plus belle est la paix. Pour mes frères que je plante ma plume dans la pierre. C'est le code de la rue, il faut que tu la prennes gros. Si tu traînes dehors, apprends le code de la rue. Tu veux pas d'embrouille, applique le code de la rue. Tu veux être respecté, respecte le code de la rue. Tous les bonhommes connaissent le code de la rue. Si tu veux faire du bif, apprends le code de la rue. Tu veux semer les flics, applique le code de la rue. Si tu veux être le boss, respecte le code de la rue. Tous les quartiers connaissent le code de la rue, gros. Kennedy, le code de la rue. L'argent c'est bien, le respect c'est mieux gros. Rasta.